grand compositeur, Marc Dumont. Cette semaine, Palestrina, prince de la musique. Bonjour et bienvenue. Oui, ça pulse et c'est du Palestrina. Richard Carr, sol mi la sol par le quatuor de saxophone de Berlin. Aujourd'hui, dernier épisode de notre semaine consacrée à Giovanni Pierluigi, qui est né dans la ville de Palestrina, non loin de Rome, qui a été ramené à Rome, si je peux dire, en tout cas du côté de la papauté, par celui qui était à la fois l'évêque de Palestrina et qui était devenu, lorsque Giovanni Pierluigi avait 25 ans, pape. À ce moment-là, Palestrina donc commence à prendre un essor musical, celui que l'on appelle le père de l'harmonie, le père de la musique, si vous voulez. Eh bien, aujourd'hui, on va s'interroger sur l'avenir d'un père. Thank you. deux façons de rendre Palestrina et sa musique actuelle. Pour commencer, le quatuor de saxophone de Berlin qui interprétait à sa façon un Richard Carr de Palestrina. Et puis à l'instant, c'était l'Orchestre des Flandres dirigé par Richard Degas dans une œuvre de Palestrina, bien sûr, Adoramuste Christe, une œuvre qui plane comme ça, comme la polyphonie de Palestrina savait le faire, mais dans la vision orchestrale instrumentale de Léopold Stokowski. Vous savez, le chef d'orchestre célébrissime, celui que l'on connaît notamment pour avoir arrangé pas mal de partitions et être à l'origine de la musique de Fantasia de Walt Disney. Stokowski qui arrangeait Palestrina ou Frescobaldi. Eh bien, tenez, je vous emmène du côté de Girolamo Frescobaldi. On va retrouver le quatuor de saxophone de Berlin pour celui qui a été organiste titulaire à vie de la basilique Saint Pierre de Rome, tous les chemins mènent à Rome et Palestrina n'est jamais très loin. Thank you. trois œuvres signées Girolamo Frescobaldi sur France Musique cet après-midi, le quatuor de saxophone de Berlin, Frescobaldi, revue visitée très 20e siècle avec ici un balancement qui est à la fois celui des partitions de Frescobaldi, je trouve, et puis en même temps propre au quatuor de saxophone et à cet arrangement que vous venez d'entendre, Richard Carr, Canzone et puis un autre Richard Carr à l'instant. Alors, retour à notre grand compositeur, Palestrina, parce que quand même, Palestrina et Frescobaldi, ce n'est pas franchement la même génération. Frescobaldi avait quoi, une dizaine d'années lorsqu'est décédé Giovanni Pierluigi da Palestrina en 1594. Palestrina ont donc laissé des marques absolument incroyables dans la musique à travers les siècles, et pas seulement au moment où lui-même composait. C'est vrai, je le rappelais l'autre jour, que Claudio Monteverdi s'est posé un petit peu en opposition à Palestrina, à travers notamment ses Vêpres de la Vierge, par exemple. Mais ensuite, il y a un certain nombre de grands musiciens qui ont pris exemple sur Palestrina, qui ont trouvé que Palestrina était décidément le père de la musique. Je pense à Bruckner, à Wagner. Et Palestrina est devenu, au XXe siècle, l'objet d'un opéra. C'est le titre d'un opéra complet, Palestrina, donné cette saison à l'Opéra Bastille à Paris, que vous avez pu entendre sur nos antennes de France Musique. Et le compositeur, c'est Hans Pfitzner, à qui d'ailleurs j'avais consacré une semaine entière de grands compositeurs. Palestrina, prélude, par l'Orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, dirigé par Christian Thielemann. Palestrina, c'était le prélude du premier acte de l'opéra de Hans Pfitzner sur France Musique cet après-midi. L'orchestre de l'opéra allemand de Berlin, dirigé par Christian Thielemann, pour évoquer, et bien sûr, la figure de notre grand compositeur Palestrina, qui est le héros de cet opéra de Pfitzner. Un opéra qui met vraiment Palestrina dans son siècle. Je dirais en même temps, pas seulement dans le siècle, mais véritablement dans les guerres du siècle et les guerres de religion. On peut se rappeler donc que Palestrina est quand même au service de la papauté pendant toute sa vie et au service de la contre-réforme, que je dirais presque ses partitions sont le bras musical de la lutte contre le protestantisme, si vous voulez. Et je vous propose d'écouter une œuvre de Palestrina lui-même. Alors cette fois-ci, je dirais véritablement qu'il s'agit de la partition originale. Une partition de 1573. Si je vous dis cela, c'est pas pour le plaisir des dates, c'est parce que c'est important. Cette partition de Palestrina s'appelle les impropères. Qu'est-ce que c'est que les impropères? Ce sont les reproches du Christ au peuple qu'il a rejeté. Et si Palestrina compose cela à ce moment-là, c'est symbolique. Symbolique à la fois donc de la contre-réforme, mais symbolique dans le contexte des guerres de religion. On ne peut pas oublier que quelques mois auparavant, c'était la Saint-Barthélemy, par exemple, en France, pour ne citer que cela. Voici le chœur de la cathédrale de Regensburg, Hans Schrems, qui dirige ses impropères de Palestrina. Thank you. Je ne sais pas si, comme moi, vous pensiez en écoutant cette musique au plafond de la chapelle Sixtine. Je dis cela parce que ce que nous venons d'entendre cet après-midi sur France Musique, signé Palestrina, ça s'appelle Les Impropères. Et cette œuvre-là, interprétée par le chœur de la cathédrale de Regensburg, avec à leur tête, à la tête de ces chanteurs Hans Schremm au début des années 1960, cette partition-là, on l'a entendue pendant plusieurs siècles dans la chapelle Sixtine, à la demande du pape, enfin je devrais dire des papes successifs, chaque vendredi saint, puisqu'il s'agit ici, je vous le rappelle, d'une méditation finalement très particulière. Les impropères, ce sont ces reproches que le Christ fait au peuple qu'il a abandonné, le Christ sur la croix. Alors nous étions avec cette œuvre de Palestrina en plein cœur de la contre-réforme catholique du XVIe siècle et près de 400 ans plus tard, dans un autre lieu, une Espagne franquiste là, une Espagne franquiste où la dictature est, on le sait bien, liée de façon beaucoup plus qu'étroite, je dirais, consubstantielle au catholicisme de l'Église espagnole, il y a un compositeur qui s'appelle Federico Mompo, qui n'a pas écrit que des pièces pour piano, mais qui a écrit lui aussi les impropères. Et je vous propose en miroir de les entendre, ces impropères, finalement rarement donnés, peu connus, on pourrait le dire. Disons que nous sommes donc, je vous le rappelle, au cours de la liturgie de l'adoration de la croix, nous sommes donc un vendredi saint, et c'est à ce moment-là qu'il y a ce reproche du Christ. « Ô mon peuple, qu'étais-je fait ?» Alors Mompo, quant à lui, va vous proposer sa vision avec le chœur de Valence, l'orchestre de chambre du théâtre Liuré de Barcelone, dirigé par José Pons. Il faut dire que Barcelone, c'est l'endroit où Federico Mompo a passé la plupart de sa vie. Une œuvre vraiment étrange, vous allez entendre, avec un prélude là, incroyable, aux harmonies vraiment surprenantes. Les impropères de Federico Mompo, pour vous sur France Musique cet après-midi.

une œuvre peu donnée, peu connue, une œuvre qui se rapproche de Francis Poulenc, un Stabat Mater, pour penser par exemple à cette œuvre, ou le Gloria de Poulenc, mais qui n'est pas du tout de Poulenc. Cette partition est signée Federico Mompo, Mompo les Impropères, une œuvre interprétée ici par le baryton, puisqu'il y a donc, vous l'entendiez, un baryton soliste, Jerzy Artis, le chœur de Valence, l'orchestre de chambre du Théâtre Lioré de Barcelone, tous sous la direction de Josep Pons. Thank you. L'avenir d'un père, c'est le titre que je vous proposais pour notre émission d'aujourd'hui sur France Musique. Pour grand compositeur, le père, c'est le père de la musique, Palestrina. Son avenir, eh bien, c'était par exemple en plein cœur du 19e siècle, cette partition que vous venez d'entendre, Le Miserere d'après Palestrina, signé Franz Liszt. Cet extrait des harmonies poétiques et religieuses. Et cette œuvre, si vous voulez la découvrir ou la redécouvrir, vous pouvez aller du côté de l'intégrale que vient de signer François-Frédéric Guy, que l'on écoutait à l'instant. C'est absolument bouleversant, d'une profondeur incroyable et d'une poésie sans pareil. Harmonies poétiques et religieuses, oui, c'est un peu le cas finalement de toutes les œuvres de Palestrina. Et là, puisque nous étions avec un miserere d'après Palestrina, je vous emmène du côté d'un autre miserere où Palestrina n'est pas complètement absent. Ce miserere-là, c'est peut-être un des plus célèbres. D'abord parce qu'il est repris régulièrement depuis le début du XVIe siècle à la chapelle Sixtine, au moment de la Semaine Sainte, un petit peu, si vous voulez, comme les impropères de Palestrina l'ont été pendant longtemps. Ce miserere, il est signé Gregorio Allegri. C'est vraiment un exemple absolument incroyable du style polyphonique de la Renaissance. Ce fameux stile antico, justement, mais ici, il n'y a pas que l'influence romaine de Palestrina, il y a aussi l'influence vénitienne, par exemple, vénitienne version Gabrielli. Difficile de redescendre sur terre après ce miserere de Gregorio Allegri. Vous écoutiez les Thalys Scholars, dirigés par Peter Phillips, avec la soprano Deborah Roberts, là-haut, si haut, plus haut encore que le plafond de la chapelle Sixtine. Deborah Roberts, à qui l'on devait d'ailleurs les appoggiatures sur ce miserere célébrissime pour vous cet après-midi sur France Musique. Kyrie pas, c'est du Palestrina un peu arrangé, enfin du moins dans l'interprétation, l'ensemble Bulgarka. Vous allez retrouver des voix bulgares. Quand je vous disais qu'aujourd'hui il s'agissait pour grands compositeurs d'aller voir le futur du père de la musique de Palestrina. Ce futur n'est pas vraiment un futur puisqu'il fut enregistré il y a une toute petite vingtaine d'années, pas tout à fait, au début des années 90, sous la direction d'Ivan Lantos. C'est lui d'ailleurs qui a arrangé cette messe du premier ton de Palestrina que je vous propose maintenant sur France Musique. Thank you.

Étonnante messe de Palestrina revue par un ensemble de voix bulgares. Bulgarka, la messe du premier ton, une messe de 1570 enregistrée plus de 400 ans plus tard et réinventée, on pourrait presque dire, par Ivan Lantos qui dirigeait donc cet ensemble Bulgarka. Alors pour terminer véritablement notre semaine sur France Musique consacrée au grand compositeur qu'était Giovanni Pierluigi de la ville de Palestrina, d'où son nom de Palestrina, c'est forcément vers lui que nous nous dirigeons avec un ensemble qui s'appelle Stile Antico. C'est assez logique parce que le style antique, c'est lui, c'est Palestrina. Splendeur de la polyphonie de Palestrina, Giovanni Pierluigi, nous lui disons au revoir ainsi avec ce Nigra Sum, interprété par l'ensemble Stile Antico.